Chapitre 6e. La nuit s'est enfin écoulée. Bientôt le soleil apparaît, tout terne, tout blafard, à travers l'immense nuage de fumée qui couvre la région. Le spectacle est plus lamentable encore que pendant la nuit, avec les arbres brûlés devenus des squelettes, les bâtiments effondrés, les cendres qui tourbillonnent, et les hommes qui, de loin, crachent l'insulte et la menace. La bacchanale continue de plus belle. Pour ces malheureux, frappés de folie, c'est la grande fête de l'ivresse, l'orgie formidable, unique dans leur existence. Et Don Blas, désespéré, ne reconnaît plus ces dociles travailleurs qui formaient autour de lui une grande famille pacifique et laborieuse. En buvant, ils ont pris la haine de tout ce qu'ils ont jusqu'alors aimé, et ils éprouvent une joie sauvage à détruire avec acharnement ce qui, depuis un quart de siècle, assurait leur existence. Néanmoins, ils n'osent pas encore s'aventurer trop près de l'habitation. De temps en temps, un coup de carabine parti de l'intérieur les tient en respect et les empêche d'avancer. Qu'attendent-ils donc? C'est le secret de celui qui a déchaîné leur passion et qui, tapis dans l'ombre, attend sans doute l'instant propice d'une vengeance maintenant assurée. Oui, c'est le secret obscur et terrible de cet Andrés, l'ancien mayoral de Don Blas Guerrero. Les souffrances des assiégés deviennent de plus en plus cruelles à mesure que le jour s'écoule. Ils meurent de faim et endurent une soif atroce. Alors, pour les narguer, les rebelles boivent à long trait devant eux et mangent sans relâche les tortillas de maïs qu'ils font cuire aux multiples foyers d'incendie. Et la journée passe ainsi dans de mortelles angoisses, dans des tortures d'heure en heure plus intolérables. À 6 heures, il y a comme une accalmie. Annonce-t-elle l'attaque depuis si longtemps attendue et redoutée? Non. C'est tout simplement un Indien, qui, un peu moins ivre que les autres, s'avance lentement, portant au bout d'un bâton un chiffon blanc. « Un parlementaire !» dit amèrement Don Blas. « J'en suis donc réduit à discuter avec de pareils misérables. Laissez-le s'approcher. » L'homme arrive jusqu'à la véranda. Malgré de copieuses rasades, il n'est rien moins que rassuré. On le voit trembler de tous ses membres, et la façon dont il tire de sa veste une lettre serait risible en tout autre moment. Il saisit à poignée l'enveloppe comme un enfant qui prend un papillon, la dépose bien en vue, et retrouvant soudain toute son agilité, s'enfuit à toutes jambes. Don Blas ouvre la lettre, la parcourt d'un œil rapide, recommence comme s'il l'avait mal lu, et peu à peu devient d'une pâleur effrayante. Le papier tremble au bout de ses doigts, ses dents se serrent, ses talons martèlent par saccade le parquet. On sent que gronde en lui une colère terrible. « Père ! » s'écrie Juana. « Père, qu'y a-t-il ? Quel nouveau malheur nous menace encore ? Parlez ! Parlez, vous me faites peur !» La Sendero fait 2 ou 3 aspirations bruyantes et prolongées, comme si l'air manquait à ses poumons. Puis il emmène à l'écart sa femme et sa fille et leur dit d'une voix rauque : « Écoutez, il faut que vous sachiez tout. Seigneur Don Blas Guerrero, avant que l'irrémédiable s'accomplisse, je veux tenter près de vous une dernière et solennelle démarche. Sachez d'abord qui je suis. Ma race est aussi noble que la vôtre, et mon origine plus illustre peut-être, car dans mes veines coule avec le sang bleu d'Espagne le sang des glorieux empereurs qui furent pendant des siècles les maîtres du Mexique. Si donc j'osais porter sur votre fille Don Juana mes regards les plus tendres, mais aussi les plus respectueux, si dans le secret le plus cher et désormais le plus douloureux de mon cœur j'ai osé aspirer à sa main, je n'étais indigne ni d'elle ni de vous. Fort de mes sentiments, me sachant votre égal, je venais loyalement vous dire l'état de mon âme et vous prier de demander à Doña Juana si elle daignait agréer mes hommages. Mais au premier mot, vous m'avez bafoué, frappé, me déniant même le droit d'appartenir à l'humanité, la vôtre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je me venge, oui, je me venge cruellement, comme savent le faire ces fils d'Indiennes et d'Espagnols qui n'oublient jamais ni le bienfait ni l'insulte. Vous êtes à ma merci. Dans quelques heures, vous serez en mon pouvoir. À mon tour, je suis le maître absolu de vos destinées. Et pourtant, avant de vous laisser rouler dans l'abîme au bord duquel ma main peut seule vous retenir, je viens m'humilier devant vous. Dites-moi que, renonçant à l'inique et cruel préjugé de couleur, vous voyez en moi un homme, votre égal. Donnez-moi un mot d'espoir. Laissez-moi croire que je puis aspirer à l'honneur d'entrer dans votre famille. Dites ce mot, Don Blas, et j'apaise la tourmente. Dites ce mot, et je relève les ruines. Oui, dites-le, et je vous fais tous plus opulents que vos rêves les plus ambitieux ne l'ont jamais espéré. J'attendrai jusqu'à minuit votre décision, en vous disant, pour la dernière fois, qu'il dépend de vous, que je sois un fils dévoué ou un bourreau. Andrés. Don Blaise fait cette lecture d'une voix saccadée, en crachant les mots comme s'il lui déchirait la gorge. Puis il s'arrête, la poitrine houleuse, pendant que les deux femmes se regardent interdites. « Et quoi ?» s'écrie Donia Laura suffoquée. « Andrés, lui un homme à nos gages ? Et ce qui est encore pire, un sang-mêlé, un métis ? Avoir osé jeter les yeux sur notre fille ?»« Une honte, je vous l'avais caché. »« Oh, mon ami, un sang-mêlé !»« Aussi les châtier comme il le méritait !» gronde la Sendero d'un ton furieux. « Pauvre Andrés !» murmure d'une voix apitoyée Juana. Ainsi voilà le secret de ses attentions sans nombre, de ce dévouement passionné qu'il nous témoignait. « Et quoi, ma fille, vous le plaignez ?» hurle Don Blas avec une subite explosion de colère. « Vous profanez votre pitié en l'accordant à ce demi-sauvage, ce lépero, dont l'audace fut pour nous le plus sanglant des outrages ?»« Oui, père, je le plains d'avoir éprouvé un sentiment que je ne puis, ne dois, ni ne veux partager. Mais peut-être auriez-vous pu lui adoucir l'amertume d'un refus cruel. Aussi, voyez où nous en sommes réduits. Soit. Qu'il nous tue, qu'il soit un bandit plutôt qu'un prétendant. J'aime mieux la hache qu'un soufflet. La mort que la honte. La mort ? Ah, nous ne périrons pas. Non, c'est impossible ! S'écrie la jeune fille, devant laquelle passe, comme une vision lointaine, la silhouette héroïque de Jean de Fer. Et sentant son cœur battre non d'effroi, mais d'espoir, elle songe « Car il reviendra, lui qui m'a déjà sauvé. » C'est de nouveau la nuit rouge. L'incendie dont la fureur première est apaisée darde toujours ses lueurs de pourpre sur la région. Les tortures de la soif et de la faim sévissent plus intenses que jamais sur les assiégés. Une telle situation ne peut durer. D'ailleurs, le dénouement approche. La grosse horloge placée dans le dôme qui surmonte l'habitation tinte lentement 12 coups. Don Blas parcourt toutes les parties de l'hacienda où se tiennent embusqués, résolus à vendre chèrement leur vie, les défenseurs. Il les exhorte au calme, leur recommande une dernière fois de ménager les munitions et se place lui-même sous la véranda face à l'ennemi au premier rang. Là-bas, les masses profondes et confuses des rebelles s'agitent en tumulte. Il y a un remous de foule, puis une poussée en avant. Un homme, la carabine en bandoulière s'avance tout seul d'un pas ferme. À 50 pas, il s'arrête, comme s'il attendait un signe, un mot parti de l'hacienda. D'un geste, il contient cette foule prête à se ruer, en tempête sur l'habitation. Il y a un moment d'un silence poignant. Don Blas a reconnu Andrés. Un flot de sang lui monte à la tête. Il pousse un cri de fureur, épaule son Winchester et fait feu sur lui. Mal dirigé, la balle siffle à son oreille et va tuer là-bas un ivrogne qui gesticule. Un hurlement de rage échappe à Andrés qui s'écrie d'une voix terrible. « Vous l'avez voulu, Don Blas ! Que le sang répandu retombe sur votre tête ! Et vous, mes amis, en avant !» Soudain, le charme est rompu. Indien Mansos, Métis, Indien Bravos et tous les aventuriers accourus à l'opulente curée s'avancent en poussant des clameurs sauvages. En tout, 800 à 900 hommes, dont la férocité native est encore exaspérée par l'alcool. Le choc va se produire, irrésistible, mortel. La voix de Don Blas vibre à son tour. « Mes enfants, laissez-les venir. À 10 pas, feu. Feu partout !» Des coulées de flammes jaillissent des Winchester. Des détonations retentissent, assourdissantes. Mais alors, se produit un phénomène bien connu de ceux qui ont exécuté ou subi, pendant la nuit, un feu de salve. Les tireurs, même de sang-froid, éprouvent toujours la même tendance à relever le canon de l'arme. Invariablement, ils tirent trop haut, alors qu'il faudrait abaisser de beaucoup le guidon et viser aux petites distances l'assaillant au niveau du genou. Ils envoient la grêle de balles au-dessus de la tête. En outre, on tire toujours trop vite et surtout avec une surabondance incroyable. On n'ajuste pas, on gaspille en un clin d'œil des quantités énormes de munitions. C'est un emballement, une folie, un vertige qui pousse à tirer sans relâche, à s'entourer de bruit, de flammes et de fumée, sans même s'occuper s'il y a le moindre profit pour l'attaque ou la défense. Et c'est ce qui arrive aux hommes de l'hacienda. Énervés par l'attente, effrayés par cette ruée de démons, ils brûlent en un moment toutes leurs cartouches et vident sans résultat le magasin de leurs armes à répétition. Toutes leurs balles ont porté trop haut. Maintenant, ils sont désarmés et vont succomber dans cet inégal corps à corps d'un contre vingt. Enserrés sous la véranda ou bloqués soit dans le vestibule, soit dans les appartements, ils n'ont même pas leur coup d'effranche pour frapper avec la crosse en tenant la carabine par le canon. Ces mouvements développés largement leur sont eux-mêmes interdits. En un moment, ils sont comme submergés par la foule humaine qui de tous côtés déferle sur l'habitation. Ils se débattent furieusement, frappent au hasard du pied, du poing, du couteau, tombent, se relèvent et se traînent vers la grande salle où se sont réfugiés Donia Laura et sa fille. Ces braves gens veulent, jusqu'à la dernière minute, leur faire un rempart de leur corps. « Tenez bon, mes amis, courage ! Tenez bon !» ne cesse de crier Don Blas, dont la voix s'affaiblit. « Victoire, victoire, ils sont à nous !» hurle Andrés en brandissant son machette. Les deux hommes s'aperçoivent et vont se jeter l'un sur l'autre. Un groupe les sépare. Ils se crachent une injure et font de vains efforts pour se rejoindre. « Les perros, chiens de métis, fils d'esclaves !» crie Don Blas. « Va-nu-pied, tu n'es plus qu'un va-nu-pied !» crie l'ancien mayoral. Les vêtements lambeaux, la peau tailladée, les yeux pleins d'éclairs, Joey arrive d'un bond. Le machette d'une main, la carabine de l'autre, il se jette devant Juana et sa mère en disant « Señoras, me voici, courage, oh oui, jusqu'au bout !»« Ah, Joey, nous sommes perdus !» sanglote Juana. « Espérez, espérez quand même !»« Ma carabine est chargée, 10 cartouches, les dernières, mais je tiendrai bien 5 minutes. »« J'en vais venir. Il sera trop tard. »« Ah, Joey, à moi, au secours !» Un groupe se rue. Compact, aviné, grotesque et terrible, avec des pattes griffues, des faces grimaçantes, des jambes qui flageolent. Il y a un écrasement au montant de la porte trop étroite, puis une poussée, la pièce est envahie. Joey lève son arme et lentement fait feu, par 5 fois, coup sur coup. 5 hommes tombent. Les autres reculent, roussis par la poudre. Il y a un remous, puis un second assaut et une dernière détonation. Joey empointe sa carabine par le canon et frappe à tour de bras. Une minute encore, il tient en respect la meute en furie. Il va être débordé. L'intrépide métis glisse, tombe sur un genou, se relève et s'écrie « Oh, je vous défendrai jusqu'à la mort !» Don Blas vient d'être renversé. Un homme lui met le couteau sur la gorge. Avec sa carabine, Joey fait un dernier moulinet. Et la crosse vole en éclats. Il est entouré, serré, agrippé. 10 machettes sont levées sur lui. Tout à coup, dans ce tumulte épouvantable, retentit une clameur aiguë, vibrante, lancinante, qui domine tous les bruits. Le cri de l'oiseau moqueur, le signal familier. « Jean, c'est Jean, à nous, frère !»« Ah !» « Je savais bien, lui, c'est lui !» murmure Juana. En même temps, l'homme qui écrase sous son genou Don Blas jaillit, culbuté par un formidable coup de pied. Le cercle qui étreint Joey s'ouvre, disloqué comme par un coup de mitraille. Puis, un homme apparaît, armé d'un tomahawk et faisant à lui seul la besogne de 10. Tragique, superbe, avec l'attitude héroïque d'un demi-dieu, son geste et sa vue terrifient les assassins. Il s'écrie d'une voix soudain attendrie, « Béni soit Dieu, il était temps. Jean, oh Jean !» dit Juana, radieuse. « Oui, frère, il était temps !» interrompt Joey. « Jean de fer, merci, merci encore !» ajoute en se relevant Don Blas, tout meurtri de sa chute. Au moment où leurs mains se tendent vers l'intrépide cow-boy, éclate au dehors, comme un tonnerre, un feu de salve. « Mon Dieu, qu'y a-t-il encore ?» interroge, anxieuse, la jeune fille. « Le salut assuré, señorita, le salut pour vous tous !» répond en s'inclinant Jean de fer, au moment où la salle se vide comme par enchantement. 50 coups de carabine, puis le terrible feu roulant des armes à répétition, un grondement ininterrompu qui dure 5 mortelles minutes et couvre tous les autres bruits. Une soudaine accalmie se fait, et dans le silence effrayant qui succède à ces éclats de foudre, s'élève une plainte funèbre, un long gémissement de foule massacrée. La foule des rebelles anéantie en pleine ivresse, en plein élan, en pleine folie homicide. Aux dernières lueurs de l'incendie, les assiégés voient de tous côtés des corps étendus et couvrant les abords de la maison envahie. Combien sont-ils ? Des centaines, plus de la moitié des assaillants. Les autres s'enfuient comme des volées de moineaux, s'enfoncent épouvantés au milieu des tailles roussies, n'ayant plus qu'une pensée, surgissant dans les dernières fumées de l'ivresse balayées par la terreur, échapper à cette mort vengeresse. Puis retentit un long cri de triomphe, poussé par de rudes gosiers américains. Hip hip hip, hurrah ! Il y a, dans le nuage de poudre qui lentement se dissipe, des ébrouements de chevaux, des craquements de Winchester vivement manœuvrés, des bruits d'éperons, des sonorités métalliques d'objets de campement. Puis, une cinquantaine d'hommes apparaissent dans l'horreur de ce décor tragique. Des blancs, vêtus de chemises de laine lacées sur la poitrine, avec de larges ceintures où sont accrochés de grands revolvers montés en argent. Ils portent tous la botte molle en cuir fauve, avec l'éperon d'acier à large molette, et sont coiffés du feutre gris à vaste bord des cow-boys yankees. Ils ont mis pied à terre et se tiennent à la tête de leurs chevaux. Ils causent à demi-voix et semblent attendre des ordres. Un jeune homme de taille gigantesque semble leur chef. Ils se détachent de leur groupe et s'avancent vers l'habitation, d'où s'enfuient les derniers rebelles, plus ou moins éclopés, enflant le dos, traînant la jambe, fou de terreur. Don Blas, sa femme et sa fille, Joey, Jean de Fer, et avec eux tous les fidèles qui ont échappé à l'attaque, tous n'ont qu'une pensée, sortir de cette énorme salle où ils ont vu la mort de si près. Ils arrivent sur l'espace découvert formant terrasse en même temps que l'inconnu, le chef. Ce dernier enlève son feutre gris, salue respectueusement les dames et, en bon américain formaliste, dit à Jean de Fer « Hello, John. Mon cher, veuillez présenter. » Jean s'avance et dit simplement « Mr. Harry Jones, citoyen américain. Don Blas Guerrero, le maître d'ici. »